Tarasque, scénariste de La Foire aux démons, bonjour. Bien le bonjour. Alors, troisième tome de cette série intitulée « La Foire aux démons », le tome 3, « Enténébré », ça nous place dans un univers médiéval fantastique, en tout cas, c'est les deux termes que je l'utiliserais pour le présenter. Je laisserais peut-être nous parler un peu de manière plus détaillée de cet univers-là avec lequel vous vivez depuis quand même déjà quelques années. Eh bien, l'univers ben, en soi qui est médiéval fantastique est aussi à ton humoristique et absurde. Alors, on veut quand même être un peu déjanté avec cet univers-là. Principalement, l'univers raconte sur deux personnages principaux, disons, que nous alternons au fur et à mesure. Alors, nous avons un premier personnage qui est Détritus le sorcier, qui a comme ambition très simple d'atteindre un lieu interdit, un lieu méconnu ou un lieu un peu étrange et tout, pour trouver ce qu'il a pu croire et entendre parler de la forteresse démoniaque, la foire aux démons, qui est son objectif ultime. Il veut absolument obtenir un repère secret, un endroit pour faire ses plans machiavéliques ou ses ambitions un peu sombres. Et d'un autre côté, on peut voir en alternatif un autre personnage qui est un cyclope, qu'on appelle Amédéus le Borgne, qui, quant à lui, fait plus du marchandage, du trafic, il fait du mercantilisme. Alors, on le voit un peu avec un de ses rapports en début d'histoire, puis on le voit on voit pourquoi il va lui-même atteindre quasiment le même objectif que le premier personnage, atteindre la terre de Bestiaire. Et vous avez choisi justement d'illustrer à la limite on pourrait dire des anti-héros, des vilains d'une certaine manière, donc c'est pas des êtres qui sont au départ gentils. Non, aucunement. on préférait principalement, étant donné qu'on avait beaucoup plus de goût sur les machins, les ennemis, puis tout ça, on voulait voir le côté, étant donné que les heroic fantasy ou toutes les histoires un peu médiévales ont toujours tendance à avoir un héros qui fait sa quête puis qu'il affronte un machin qui lui a son plein de ça, on voulait revirer un petit peu le concept. C'est sûr que avant que le héros héroïque et fantastique apparaisse de nulle part, on voulait quand même faire un petit peu mettre ça dans une marmite puis brasser ça un peu puis essayer de concevoir l'univers autour de tous ces monstres et machins qui fonctionnent dans un univers un peu absurde et un peu hors norme. Alors c'est ce qui fait en sorte que ces personnages-là agissent en méchanceté, mais dans un univers un petit peu croche. Alors ils sont pas, ils se retrouvent surtout avec des situations qui peuvent ne pas, être normal dans notre réalité à nous ou dans un. Oui, c'est un peu décalé. Dans le fond, c'est un univers à leur image aussi que vous leur avez bâti. C'est une mythologie aussi que vous avez construit autour de tout ça. Et c'est, il me semble, pour autant toi, Tarasque, que ton frère Draco, c'est quelque chose sur lequel vous vous amusez à concevoir depuis votre adolescence. Ça fait quand même un bon bout de temps que vous baignez là-dedans. Exactement. Ben, disons qu'en début 2000, les idées sont venues. Je dirais que le premier dessin est sorti en 2005, quand on a vu vraiment le concept de l'univers. Avant, je pense que mon frère, qui voulait vraiment aller vers la bande dessinée, parce que moi, c'était pas un élément qui me passait à la tête à ce moment-là, mais lui, il voulait faire une bande dessinée avec trois créatures, puis faire un petit peu comme un Garfield, avec des scénettes humoristiques par page. C'est justement comme ça qu'on a fonctionné au tout début, puis qu'on avait proposé au fanzine Le Bob. Alors, La Foire aux démons a commencé un peu en 2011 dans le fanzine Le Bob. Mm-hmm. Et ensuite, après l'expérience un peu acquise, on a voulu vraiment sortir une publication. Et c'est en 2013 qu'on a sorti le premier tome, qui était un petit peu comme une espèce de début, de commencement pour au moins ces personnages-là, puis cet univers-là, t'es donné un coup pour les amener vers ça. Oui, puis en même temps, je trouve que c'est se donner un bon défi dès le départ, dans la mesure où on se dit pas justement on travaille sur un récit court qui tient en quelques planches ou en une planche, mais on y va avec un récit qui est destiné à être un feuilleton. On est au terme de la première trilogie au tome 3, du premier segment, mais ça ouvre aussi clairement la porte vers d'autres qui vont suivre. Donc, c'est un feuilleton et c'est une épopée pratiquement aussi. Ben, exactement. Comme par exemple, les trois premiers tomes ont été conçus sur une simple principe de « je voulais absolument faire un cycle de journée ». Alors, je voulais que chaque tome représente peut-être une part de journée. Alors, le premier était le jour, le deuxième un peu le crépuscule, puis le troisième, c'est complètement la nuit. Puis je voulais que chaque tome ait quand même un petit élément particulier, mais qu'on puisse en rajouter. Alors, le premier tome était vraiment simplement, comme on l'a appelé, avènement, mais on voulait simplement comme présenter, présentation, puis y aller. Puis le deuxième, qu'on appelait chemin par chemin, mais c'était plus pour un cheminement, une continuité. Le troisième déroge un petit peu des deux premiers pour, ben, vu qu'on a pris plus de temps à le travailler. Le troisième a un petit concept plus... l'intrigue est un petit peu à travers les histoires différentes. On a quand même une espèce de progression qui se fait. Oui, parce qu'on a quatre histoires, en fait, qui agissent un peu en parallèle, qui évoluent en parallèle, et c'est à travers ces histoires-là qu'on découvre un peu le fil du grand récit, finalement. Exactement. Puis, en plus, on voulait quand même élargir un peu le concept. Alors, en début de troisième tome, on a décidé de commencer l'histoire sans les deux protagonistes, avec des personnages secondaires, dans un lieu particulier pour amener un peu l'intrigue puis donner un petit coup vers c'est pas juste un petit feuilleton de personnages qui ont des petites ambitions, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'univers autre que eux. Oui, d'une certaine façon, on dit souvent que quand on se lance dans l'auto-édition, c'est une opportunité de faire des premières armes en BD, bon, que ce soit après ça de l'édition web ou de l'édition papier, ça reste une opportunité d'apprentissage, donc on vous voit apprendre aussi, mais en même temps, j'ai l'impression, puis avec ce que tu dis, puis avec ce qu'on peut lire, justement, c'est qu'il y a un désir aussi de jamais rester assis sur ses lauriers, dans le fond, où quand on établit quelque chose, on s'est établi une habitude dans un tome, quand on va la casser, on va faire autre chose, on s'amuser avec le scénario, on va essayer d'imaginer des séquences, donc de se donner toujours la liberté d'expérimenter, et à travers l'expérimentation, ben, de développer sa maîtrise du médium. Exactement, ça nous permet aussi de tester, disons, des narratives qu'on n'aurait pas pu essayer, malgré qu'on y va avec un petit côté nouvel à entre-temps. Et on va essayer de complexifier un peu la chose tout en rajoutant des éléments ou essayant de mettre des situations particulières. Alors, ça va nous permettre d'apprendre. Ben, moi, principalement, je trouve qu'une série bande dessinée en général, comme un Astérix ou un Tintin, c'est toujours aussi un aspect de conception. C'est comme avoir un enfant. Alors, nous apprenons avec lui, il apprend avec nous. Alors, on joue beaucoup avec ça. Alors, nos personnages évoluent à un rythme lent, mais au moins, on peut tester et savoir qu'est-ce qu'on peut leur mettre comme situation face à eux. Jouer avec le rythme, jouer avec la structure. Déjà, juste de dire on passe de quatre histoires à deux. De jouer avec, OK, ça se passe entièrement la nuit, comme tu dis aussi, de se mettre une unité de temps, ou c'est pas 12 nuits, c'en est une. C'est subitement, il y a un côté théâtral presque un peu là-dedans. Je dirais que ça, c'est une part importante. Le personnage principal de Tretus a beaucoup d'aspects théâtrales. Il est vraiment apporté de genre à vouloir exprimer trop sa cruauté. Alors, il fait des gestes, il papote, disons que il fait des monologues, il exagère un petit peu ses propos, disons. Alors, aussi, on a voulu quand même pas qu'il soit tout seul à faire un peu ses affaires. Alors, on a quand même voulu intégrer avec lui un petit personnage très sympathique qui n'est pas tout à fait méchant, mais lui, tout son plaisir profond, c'est vouloir servir. Alors, on voulait quand même un petit personnage serviable, sympathique, qui puisse balancer un peu le personnage de Dertosus. Alors, on a un petit gobelin qui s'appelle Gamignon qui l'accompagne depuis le début du premier tome, mais on veut quand même continuer dans cette optique-là, à vouloir provoquer, puis peut-être rajouter d'autres personnages qui puissent... Puis j'imagine que ça devient aussi, parce qu'on parlait de défis tantôt, ça devient en soi un défi, donc pour toi, de puncher des dialogues, d'arriver avec des trucs qui sont vivants, qui marchent, puis parallèlement de réussir aussi à les mettre en scène. Il y a des séquences où on est essentiellement quoi autour d'un feu, on jase, et on m'a toujours dit, mais c'est plus difficile de mettre en scène une bonne scène de dialogue qu'une bonne scène d'action. Exactement. Ben, en plus, une bonne scène d'action qui a une raison d'être, c'est aussi difficile, parce que, tu sais, des fois, disons, dans un manga, tu peux avoir une centaine de pages sur une action, puis il se passe pas grand-chose que juste se taper dessus, puis reprendre le dessus d'un autre personnage. Mais de mettre une action significative qui dure pas trop longtemps, mais qui se rapporte, bien c'est quand même un défi en soi. Puis c'est aussi un élément aussi de dessin, disons, que mon frère là-dessus il aime pas vraiment, genre l'action. Enfin, c'est un petit peu drôle à dire, mais c'est un élément qu'il aime pas trop travailler trop. Alors faire en sorte que l'action soit quand même significative puis qu'elle apporte de quoi. Alors t'es pas donné un coup de poing pour donner un coup de poing sans qu'il y ait aucune raison qui soit, mais t'es donné un coup de poing puis donner une explication derrière ce coup, mais sans trop désamorcer aussi le plaisir que ce coup de poing peut apporter. Ouais, ça veut pas. En fait, si l'action est bien expliquée, comme lecteur, t'es plus impliqué dans l'action, donc tu vas embarquer plus dans ces séquences-là aussi. Puis inversement, ben, si t'es bien investi dans tes personnages, si les dialogues marchent bien, puis si on réussit à dynamiser un dialogue, ben encore là, on va être plus investi. Donc c'est une question d'immersion, à la limite, on pourrait dire. Absolument. Puis il faut aussi dire que comme nous, le dialogue est quand même une part importante, mais l'image aussi est très importante. Mm-hmm. Selon moi aussi, il faut que l'image puisse être capable d'être, même s'il y a tant de dialogue dans un récit, que l'image peut être assez significative pour le lecteur, que si... Pour différentes tranches d'âge, j'aime bien quand même l'idée qu'un enfant qui lirait ma BD n'a pas besoin de lire tout le texte, mais si les dessins sont assez explicatifs pour lui, ben il vient de lire quand même une bande dessinée. Et je trouve ça intéressant quand même de pouvoir avoir des interprétations diverses à travers juste une BD. Puis en même temps, comment ça se passe un peu la dynamique entre toi et ton frère, Andrako et Tarasque, dans le fond? Parce que j'ai l'impression, puis avoir un peu votre blog d'ailleurs, et je vais donner l'adresse, ou sinon les gens cherchent la Bessière Fantastique, donc bessièrefantastique.blogspot.ca, avec un CK pour le fantastique. Vous mettez un peu d'exemple justement de séquences qui évoluent, de comment ben toi t'as pensé quelque chose, il y a une mise en scène, après ça t'as repensé en fonction des modifications qui ont été apportées. Donc vous laissez le loisir, les deux, de faire évoluer les pages. Comment ça se passe un peu la dynamique de création? Ben au début, c'est sûr que la première chose qu'on fait, c'est on fait pas mal de théâtre, c'est-à-dire qu'on speech, on a un brainstorming très actif. Alors des fois on fait vraiment la scène par nous-mêmes, puis on se fait un plaisir fou là-dessus. Alors moi je ramasse tous les éléments, puis je fais un premier jet d'écriture. Alors lui il prend ce premier jet d'écriture là, puis il compose les cases, il met en scène, il fait de la mise en scène, puis il place tout ça. Après ça, moi on regarde ensemble si ça fonctionne ou non. Alors on fait les changements au fur et à mesure, puis s'il y a d'autres éléments qui se rajoutent, des idées qui se rajoutent, on le fait. Puis c'est ce qui est étonnant le plus, c'est que t'es, on prend pas acquis que mon premier jet de texte c'est le texte final. On va le changer tout le temps, puis s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va complètement changer, puis on va couper. Ou mon frère est très très libre là-dessus dans la création. Alors s'il y a des choses que je décide pour lui que dans le dessin, mais lui, il va décider des choses que moi, dans l'écriture, il veut pas, là. Alors, Puis, à la limite, en fait, la BD, pour vous deux, c'est un projet ensemble, en fait. Ça a toujours été un projet ensemble dès le départ. C'est un projet d'équipe, de projet personnel, un projet ensemble, et aussi, c'est notre plaisir très, très... C'est un plaisir de pouvoir participer. Puis mon point là-dessus, c'est que ça fait longtemps que vous en faites. Dans le fond, c'est même si tu dis en fait vers 2005 qu'on commence à lancer des premiers coups de dessin, sûrement qu'il y en a eu avant aussi. Ben c'est donc, sûr. Ça fait un bout de temps que vous baignez là-dedans. Donc c'est sûr que si on y va dans le plus, je dirais que dès le moment où mon frère dessinait, mais tu sais, c'était des jeux principalement. Il dessinait les personnages, puis on avait des éléments qu'on pouvait faire pour s'amuser, ou même on a fait un jeu de cartes à main. Lui il faisait le dessin des personnages, puis je faisais les textes des cartes, puis qu'on a encore là, des cartes en carton de céréales, puis qu'on collait. Ça, on l'a fait pas mal. Et c'est sûr que lui, tu continues à dessiner, alors c'est toujours amélioré au fur du temps. Puis moi, c'est sûr que moi, je suis allé dans un autre contexte plus littéraire, plus cinéma. Et à un moment donné, ben il y a un moment donné qu'on s'est dit, ben pourquoi pas, on peut aller vers cette direction-là, t'as le talent pour ça, mais tu manques la verbe et le texte, alors je vais compléter le tout pour qu'on puisse être une entité capable de faire ce projet-là, puis peut-être aller toujours de plus en plus haut et de plus en plus loin. Puis je pense qu'on a glissé ces mots là-dessus, mais je le mentionne, ce que tu dis, justement, on crée des personnages en boîte à céréales et le reste, et en même temps, je pense que c'est une formule que tu prends sur le blog aussi. C'est l'idée que cette série-là, c'est vous aujourd'hui, mais vous vous donnez le droit d'aller vous amuser avec ce que vous étiez plus jeune aussi, puis de vous faire des clins d'œil, de retomber un peu dans cette dynamique de jeu-là, finalement, que vous avez au-delà de la création à proprement parler. Ben exactement, mais aussi on se permet quand même de ben je trouve ça bien dans un concept de bande dessinée, ou dans un concept d'art, de pouvoir replonger dans des anciennes idées qu'on avait. complet. Disons, le tome 3 est rempli de petits clins d'œil que personne ne comprendra, mais que moi, je vais comprendre parce que c'est plein d'éléments que j'avais imaginés quand j'étais adolescent, ou que mon frère décide de faire des fantômes. Je trouve que les fantômes dans ce tome-là sont tellement simples, mais je trouvais ça quand même rigolo d'y aller dans une simplicité aussi dans ça, puis de se fier sur des vieux trucs pour créer des personnages, ou de penser à ce qui va se passer plus tard quand même et à l'intégrer subtilement. Alors j'aime quand même qu'on peut jouer un petit peu dans tout, puis d'être aussi influencé par ce qui se passe autour de nous en plus. Alors ça fait quand même un amalgame intéressant dans la bande dessinée. C'est pas juste une BD médiévale fantastique qui essaye de respecter l'âge médiéval, mais qui apporte un petit ton moderne à travers tout ça. Puis en fait le côté ludique, c'est qu'on, je pense que c'est ça qui ressort beaucoup pour moi en fait comme lecteur de quand je feuillette, que ce soit en PDF ou en papier, ce que vous faites, c'est le côté plaisir. En fait, on sent deux frères qui s'amusent aussi, puis on s'amuse un peu à perpétuer puis à réinventer, mais avec un œil d'adulte finalement, des jeux qu'on avait quand on était plus jeune, puis des univers qu'on se créait quand on est plus jeune, mais de le faire avec l'intelligence créative peut-être de l'adulte plutôt que la naïveté créative de l'enfance ou de l'adolescence. Mais en respectant quand même le plaisir de l'enfance, c'est de ça. La lecture, mais tout en offrant quand même notre plaisir intellectuel j'aime quand même que la BD soit plaisant à lire principalement, mais en même temps offrant aussi quand même un besoin critique ou un besoin intellectuel, philosophique ou quelque chose pour les personnes qui veulent creuser un peu plus. C'est ça, faire plaisir à l'adulte en vous, faire plaisir à l'enfant que vous étiez. Et tout ça dans un contexte où pour vous deux, oui, il y a la création, mais il y a aussi la diffusion. On est dans l'auto-édition. À Québec, c'est une BD qu'on peut trouver chez, je pense, Pantoute. En ce moment, oui, librairie Pantoute puis Première Issue sont disponibles. Sinon, vous faites la tournée des foires, des événements, foires geeks, Comic-Con, festivals et autres. Donc, j'ai l'impression que vous connaissez déjà en partie, du moins, une portion de vos lecteurs. Ça doit donner une dynamique de création particulière, dans le fond, de savoir à peu près à qui on s'adresse au fil des tomes, avec toujours du nouveau monde à chaque, j'imagine, mais qui est une base qui vous suit depuis quand même assez longtemps aussi. Absolument, mais ce qui est aussi le plus étonnant, c'est les autres auteurs, je dirais. Le contact qu'on a avec les autres auteurs nous permet aussi d'avoir une nouvelle dimension de la création. Alors, on a des discussions, on a des ouvertures, on peut même faire des petites blagues. Je pense que, juste pour le plaisir de le dire, dans le tome 3, il y a un élément qu'on a rajouté à cause que David Gauthier avait demandé d'avoir une version féminine de Gabagnon. Alors, mon frère l'avait dessiné, puis on a décidé de le mettre quelque part dans la bande dessinée, juste pour qu'il rigole un peu. Je trouve ça quand même intéressant dans cet apport-là, de pouvoir avoir des discussions avec d'autres membres et de pouvoir savoir où je peux aller, comme dans quelle direction aller quand même, sans trop être influencé, mais d'avoir quand même un point de vue différent que le nôtre. Alors, ça nous permet d'avoir une ouverture, puis aussi d'essayer des choses qu'on n'aurait pas pu essayer. Et si les gens peuvent pas se rendre physiquement dans les lieux qu'on a mentionnés, ben je mentionne aussi qu'il y a une boutique en ligne sur bestiairefantastique.blogspot.ca sur laquelle il y a ça. Il y a aussi des produits dérivés et le reste. En fond, vous amusez à décliner votre univers en différentes formes aussi au fil des événements. Ben, plus que ça va aller, c'est sûr qu'on veut aller, on veut pousser un petit peu plus les produits dérivés, mais c'est sûr que c'est des choses qui coûtent et qui on en perd nos bras là-dessus, mais c'est pour le plaisir de la chose, on va le faire. Alors, c'est sûr que plus que ça va aller, plus qu'on va essayer de se payer des trucs, là, mais... Et en attendant tout ça, le quatrième tome aussi sur lequel vous allez travailler, vous allez vous mettre éventuellement. Ah, je suis en train tranquillement à le mettre sur papier, puis déjà qu'on a pas mal d'idées là-dessus, alors c'est juste un bon petit coup à donner, puis le processus pourra être amorcé. Et d'ici là, ben, les trois premiers tomes, eux, sont disponibles. Alors, ben, Tarasque, merci beaucoup. Mais merci à toi.